Ihr seid willkommen in Jesus' Namen. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, because of what is going on in our midst for some time now, this message is also for all of us. Wegen dem, was momentan in dieser Gemeinde passiert, ist diese Botschaft auch für alle von uns, an alle von uns gerichtet. Et à cause de ce qui se passe ici dans cette église pour un temps, on a encore un message qui est pour nous tous. It is a pity that we have to learn through people disobeying the voice of Christ. Es ist traurig, dass wir lernen müssen durch den Ungehorsam der anderen. Et puis c'est très triste qu'on apprend des choses à travers la désobéissance des gens. The Lord never wants us to learn through people's disobedience. Der Herr möchte nicht, dass wir durch den Ungehorsam der anderen lernen. Das ist eigentlich nicht sein Plan. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse apprendre à travers la désobéissance des autres. His plan has never been that we learn through people. You know, submitting yourself as a vessel for Satan to live in and live through. Sein Plan war nie, dass wir durch Menschen lernen, die ihr Leben dem Satan als Gefäß hergeben und ihm dann dadurch gehorchen. Et puis ça jamais été le plan de Dieu qu'on apprend à travers la désobéissance des gens qui ont soumis leur corps pour le diable. It is like, you know, doctors using people to practice. Amen. It's supposed not to be so. Ärzte, die Menschen nutzen, um zu üben. Im Haus Gottes sollte das eigentlich nicht so sein. C'est comme aussi les docteurs qui n'ont pas encore l'expérience. Eux, par exemple, dans leurs études, ils utilisent aussi le corps de l'homme pour apprendre, pour étudier comment pouvoir faire des choses médicaux. Praise the Lord. Hallelujah. Mais c'est comme ça, c'est à l'église, ça ne doit pas être comme ça. John 15, verse 3. Johannes 15, vers 3. Jean 15, verset 3. Amen. Amen. You know, we have the Old Testament. The Old Testament to teach us. Wir haben das Alte Testament, was uns lehrt. Et nous avons l'Ancien Testament qui nous apprend des choses. The mistake they made that we will not make them. Damit wir die Fehler, die diese Leute begangen haben, nicht begehen. Pour qu'on ne répète pas les fautes que les autres ont fait. The life they lived by rebellion, the rebellious life they lived, disobeyed Christ, we will not live that life. Damit wir dieses rebellische Leben, was sie geführt haben, nicht auch leben. Pour qu'on ne vit pas aussi dans la même manière dans la rébellion comme eux ils ont fait. And now the New Testament also. Und jetzt auch das Neue Testament. Et même aussi dans le Nouveau Testament, on peut le voir. You know, here in John 15, verse 3, it says, now you are clean through the word which I have spoken unto you. In Johannes 15. Christ was supposed to be the cleaner, Vers 3, the teacher, and lesen everything. Lesen wir, dass wir rein sind um seines Wortes willen, nach dem, wegen dem Wort, no das problems. Er geredet hat. Sein Wort sollte uns reinigen und nicht Probleme. Dans verset 3, on a écrit, déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc ça montre que c'est la parole de Dieu qui nous rend pur et pas de problèmes, pas des expériences. People are still like Pharaoh that allowed themselves to become a vessel for Satan. Aber they are still like Pharaoh today. Kinder Gottes sind immer noch so wie der Pharao, die zulassen, dass ihr Herz ein Gefäß des Satans ist. Et beaucoup de gens, même aussi les enfants de Dieu, sont comme le pharaon qui permet que leur cœur soit un vaisseau pour le diable. And the Lord dealt with him. Und der Herr hat sich ihn vorgeknüpft und das hat er wirklich ernsthaft gemacht. Et on pouvait voir comment Dieu a aussi jugé le pharaon et puis il était très sérieux avec le pharaon. If you allow yourself, your body to become a vessel for Satan, you will never go scot-free. Wenn du zulässt, dass dein Körper ein Gefäß des Satans ist, dann wirst du nicht davonkommen beim Herrn. Et si tu permets que ton corps est un vaisseau pour le diable, tu vas pas partir libre devant Dieu. Amen. Amen. Today's message is, let him be enough for you. That's Christ. Die Botschaft von heute ist, lass zu, dass Christus Jesus genug für dich ist. Et le message d'aujourd'hui est permet que Dieu soit suffisant pour toi. Only Christ. Nur Christus. Seulement le Christ. Christ alone. Christus allein. Seulement le Christ. And not plus any other thing. Nicht plus irgendetwas anderes. Et pas le Christ et quelque chose d'autre. Praise the Lord. You know, religion, in religious world, you don't need to leave anything. In der religiösen Welt musst du nichts zurücklassen. Et au monde religieux, tu n'as pas besoin de quitter quelque chose. Amen. But just live your old life, but paint everything with Christ. Da lebst du einfach dein altes Leben und malst einfach alles mit Christus an. Et au, dans la religion, tu acceptes Jésus-Christ, mais tu continues aussi avec ta vie ancienne et puis tu le couvres avec Jésus-Christ. And the Pharisees, they knew that. Und die Pharisäer wussten das. Et les Pharisiens étaient conscients de ça. And they were the reason why they were always looking for a way to kill Jesus. Das war auch der Grund, weshalb sie immer nach einem Weg gesucht haben, Jesus zu töten. Et c'était aussi la raison pour laquelle ils ont cherché des moyens pour tuer Jésus-Christ. This ministry is only Christ. Diese Gemeinde ist einfach nur Christus. Cette église est basée seulement sur Jésus-Christ. And not Christ mixed with Satan. Und nicht Christus vermischt mit dem Satan. Et pas Jésus-Christ mélangé avec le diable. We cannot be one with anyone who chooses to reject or ignore Christ. Wir können nicht eins sein mit jemandem, der sich entscheidet, Christus zu verweigern. On ne peut pas être un avec quelqu'un qui décide de rejeter ou ignorer Jésus-Christ. Who allows his body to become a vessel for Satan? Wer zulässt, dass sein Körper ein Gefäß des Satans ist? Qui permet que son corps soit un vaisseau du diable? Amen. It's not about separation, separating from us. The motive. Es geht nicht um sich von uns das Trennen. Das Motiv dieser Trennung muss man prüfen. Et le problème est pas que les gens se séparent de nous, mais le problème est plutôt leur motif. On doit juger et examiner leur motif. Amen. And that's why we know once you leave here, you are Satan because of your motive. Sobald du halt hier weggehst, gehörst du zum Satan, bist du der Satan wegen deinem Motiv, weil es dich von Christus ist und demnach vom Satan ist. Et c'est ça pourquoi quand tu quittes cette église, on sait directement que tu appartiens au diable parce que ton motif n'est pas du Saint-Esprit. No matter what you say, your action, your reaction expose you. Deine Reaktionen werden dich entblößen. N'importe qu'est-ce que tu dis, tes paroles et tes actions surtout vont te révéler. You know, a lot we say one, but well, you can see their action, their reaction. Einige, viele werden eine Sache sagen, aber ihre Reaktionen, ihre Aktionen zeigen ein etwas anderes. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses, mais ce sont ils font des choses qui sont différentes à leurs paroles. Satan always need a body. Der Satan braucht immer einen Körper. Le diable a toujours besoin d'un corps. With the disciple, you know, he used Judas. Bei den Jüngern hat er beispielsweise Judas allowed his body to be used. Und Judas hat zugelassen, dass sein Körper genutzt wird gegen Christus. Et chez les disciples, par exemple, on peut voir comment Judas a accepté ou bien il a permis que le diable soit entre dans sa vie, qu'il soit aussi un vaisseau pour le diable. You know how many Judas we have had here. Wisst ihr, wie viele Judas wir schon in dieser Gemeinde hatten? Mais vous savez combien de Judas nous avons. Amen. That have allowed their body to be a vessel for Satan, to want to bring down the ministry. Dass ihr Körper ein Gefäß des Satans ist und damit die Gemeinde halt zu zerstören. Les gens qui ont permis que leur corps soit un vaisseau pour le diable pour que l'église tombe. No one can fight Christ Jesus. Aber niemand kann Christus Jesus bekämpfen. Personne peut combattre Jésus-Christ. That's why we are not afraid of anything. Here. Deswegen haben wir vor nichts Angst hier. C'est ça pourquoi nous n'avons pas peur de quelque chose. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Satan need. He always need a body. Der Satan braucht immer einen Körper. Et le diable a toujours besoin d'un vaisseau. But you can prevent him from using yours. Aber du kannst ihn davon, du kannst ihn verhindern. Dass er deinen Körper nutzt. Mais tu peux arrêter le diable d'utiliser ton corps. By submitting to Christ. Wenn du dich Christus hingibst. À travers ta soumission à Jésus-Christ. James, let's quickly go to the book of James. Jacques. Jacques. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. James 4. 4. Jacques 4. Praise the Lord. Alléluia. Verse 7. Jacobus 4, Vers 7. Jacques 4, verset 7. It says, submit yourself, therefore, to God. And that is how you resist the devil, and he will flee from you. Amen. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er auch von euch. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. If you allow Christ to come in, Satan have no space in you. Wenn wir zulassen, dass Christus reinkommt, dann hat der Satan keinen Platz in dir. Si tu permets que le Christ entre dans ta vie, là le diable n'a plus d'espace en toi. But if you allow you, your whoever, friends outside to come in, to be inside you, and the place where Jesus is supposed to be, you will become a vessel for Satan. Aber wenn du zulässt, dass dieser Platz, den Jesus eigentlich einnehmen sollte, von Menschen eingenommen werden, von Freunden angenommen werden, dann wirst du früher oder später ein Gefäß des Satans sein. Mais si tu permets que ta vie est remplie avec tes amis ou bien les gens de ce monde, là tu vas devenir un vaisseau du diable, même si tu le veux ou pas. Praise the Lord. Amen. I don't like, you know, preaching the message, you know, seeing somebody just submitting himself as himself or herself as a vessel for Satan. I don't like it. But he keep on repeating himself. Entschuldigung, nochmal. I don't like preaching the message, this very message, that, you know, somebody submitting himself or herself to Satan. Mir gefällt es, but he keep on repeating himself. Immer wieder diese Botschaft zu predigen über Personen, die sich als Gefäß des Satans darbieten, aber es wiederholt sich immer wieder. Et je n'aime pas de prêcher toujours ce message et puis de voir comment les gens utilisent leur corps pour être un vaisseau au diable, mais ça se répète toujours que les gens deviennent des vaisseaux pour le diable. By this time, you should know that this ministry is different. Und zu diesem Zeitpunkt, spätestens jetzt, sollte man wissen, dass diese Gemeinde anders ist. Maintenant, tu dois savoir que cette église est différente. That is different from religion. Dass sie anders ist als Religion. Et que c'est différent aux religions. That we never joke with Christ Jesus. Dass wir Christus nicht auf die leichte Schulter nehmen. Qu'on ne peut pas prendre le Christ légèrement. We never joke with what Christ called the truth. Wir nehmen niemals das auf die leichte Schulter, was Jesus Christus die Wahrheit nennt. Et puis on ne blague pas avec ce que Jésus Christ appelle la vérité. We never joke with the light that we are. Wir nehmen nicht unsere Identität auf die leichte Schulter, unsere Identität als Licht der Welt. Et on ne blague pas aussi avec notre identité parce que nous sommes la lumière de ce monde. And that's why once lies as it serves is anywhere we have seen it. Also, wenn Lügen irgendwo sind, erkennen wir sie sofort. C'est ça pourquoi nous sommes capables à reconnaître des mensonges. No one can hide lies from us. Niemand kann Lügen vor uns verbergen. Parce qu'il y a personne qui peut cacher des mensonges devant nous. Because the Lord commanded us to prove all things. Denn der Herr hat uns befohlen, dass wir alles prüfen. Wir prüfen vieles. Parce que Dieu nous a envoyé de tout juger, tout examiner. Bon, on le fait aussi. Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7. Praise the Lord. Alléluia. He said, woe unto the world because of fences. Amen. Woe unto the one whoever allows his body to become a vessel for Satan. Wehe der Welt wegen der Anstöße. Wehe der Menschen, die ihren Körper als Gefäß für den Satan darbringen. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc malheur à la personne qui permet son corps à être un vaisseau pour le diable. Praise the Lord. Hallelujah. We say, woe unto the world because of offenses. Set. For it must need be that offenses come. But woe to that man by whom the offense cometh. Praise the Lord. Amen. He said, offenses must come. Er sagt ganz klar, Anstöße werden kommen. Donc Jésus-Christ nous dit que les offenses vont venir. He is talking about You allow your body to be a vessel. Er spricht darüber, dass du zulässt, dass dein Körper ein Gefäß des Satans ist. Dass er reinkommt und durch dich wirkt. Das wird passieren. Et Jésus-Christ parle du fait que tu permets ton corps à être un vaisseau pour le diable, parce que c'est presque impossible de l'éviter si tu n'es pas en Christ. Yeah, he did not war this devil, but he war you. Er hat nicht den Satan sozusagen bedroht, sondern sozusagen dir diese Drohung ausgesprochen. Et si on peut voir que Jésus-Christ n'a pas averti le diable, mais il t'a averti toi, l'homme. Amen. Amen. Let me read it again. Woe unto the world because of offenses. For it must need be that offenses come. But woe to that man. Woe to that man. That man that allows his body to become a vessel for Satan. Woe unto you. Wehe diesem Menschen, der zulässt, dass der Satan ihn als Gefäß nutzt. Mais encore, malheur à l'homme par qui le scandale ou bien l'offense arrive. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Judas, you know, people will say, yeah, it must, somebody must betray Jesus. But look at what Jesus said in Matthew 26. Let's go to Matthew 26. Leute würden sagen, ja, es war klar, dass Judas Jesus verraten muss, weil irgendwann muss es tun, aber dennoch hätte es nicht er sein müssen. Schaut euch an, was Jesus in Matthäus 26 sagt. Vers 24. Concernant Judas, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, il fallait que quelqu'un trahisse Jésus-Christ. Mais ici, dans Matthieu 26, verset 24, on peut voir ce que Jésus-Christ nous dit. Praise the Lord. Hallelujah. That your body become a vessel for Satan. It's a pity. Dass dein Körper ein Gefäß des Satans wird, das ist bemitleidenswert, dass du überhaupt zulässt, dass wir das überhaupt zulassen. Et que ton corps devient un vaisseau pour le diable, c'est vraiment pitié. He said, the son of Margoet, as it is written of him. Though it is written of him, that here we go. Es ist zwar prophezeit, obwohl es prophezeit ist, geschrieben ist. Donc, verset 24 nous dit que c'est prophétisé que Jésus-Christ quitte ce monde. But woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. It has been good for that man if he had not been born. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people will want to blame Satan for everything. Leute wollen den Satan für alles schuldig sprechen. Jesus is saying your body. Aber Jesus sagt dein Körper. Allow your body to become a vessel for Satan. Go on to you. Wehe dem, der seinen Körper als Gefäß des Satans darbringt. Es wäre besser, wenn du nicht geboren wärst. Il y a beaucoup de gens qui donnent toujours la faute au diable. Mais voyons ici ce que Jésus-Christ nous dit. Il dit, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Go to John 6, please. Johannes 6. Jean 6. Verse 17. Johannes 6. Vers 17. Jean 6, verset 17. Are we there, please? Mm-hmm. 70. Jean 6, verset 70. Yes. Yes. 70. 70. 70. Mm-hmm. Jesus answered him, have not I chosen you? 12. And one of you is a devil. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you are against Christ, you are a devil. Wenn wir gegen Christus sind wir ein Teufel. Das kannst du nicht anders verpacken. Et si tu es contre le diable, là tu es un démon. On peut pas changer de monde. If you are against this ministry, you are a devil. Because here everything is Christ. Dann bist du ein Teufel, weil hier Christus ist. Alles ist hier Christus. Et si tu es contre cette église, là tu es un démon, parce que dans cette église tout est basé sur Jésus-Christ. You are the one that don't know what you are doing. We know what you are doing here. Du bist dann die Person, die dann nicht weiß, was sie tut, denn wir wissen, wem wir dienen. Wir wissen, was wir hier tun. C'est toi la personne qui ne sait pas qu'est-ce que tu fais, mais nous on sait, nous savons ce que nous faisons. Praise the Lord. Hallelujah. You know your body. Unser Körper. Mais ton corps. We better don't allow Satan to, you know, to get it. Wir dürfen nicht zulassen, dass Satan diesen Körper packt. Ne permet pas que le diable utilise ton corps. Amen. No matter the Angebot he has for you. Egal wie gut das Angebot ist, was für dich hat. N'importe quel Angebot noch mal französisch. Offert. N'importe quelle offerte le diable a pour toi. Amen. He might promise you heaven and earth. Er verspricht dir vielleicht Himmel und Erde. Il peut te promettre même le ciel et la terre. Don't forsake the Lord. Don't forsake Christ. Amen. Aber verlasse den Herrn nicht. Verlasse Christus Jesus nicht. Man ne rejette pas Jésus Christ. Amen. Amen. No one ever allows his body to be used and goes scot free. Weil niemand lässt seinen Körper nutzen vom Satan und kommt davon. Parce qu'il y a personne qui rejette Jésus-Christ et puis il continue à vivre comme s'il n'y a rien, qu'il soit libre comme il veut. Ce n'est pas possible. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Fear the Lord. Fürchte den Herrn. Tu as craint l'Éternel. Genèse 3. Genesis 3. 1 Mose 3. Genèse 3. You know, look at verse 14. 1 Mose 3, Vers 14. Even the serpent. 3, verset 14. For using, for allowing his body to become a vessel for Satan. Look at the serpent, what the Lord calls on him. Sogar die Schlange, ne, die zugelassen hat, dass ihr Körper ein Gefäß für den Satan ist, selbst sie wurde verflucht, selbst sie wurde zur Rechenschaft gezogen. Dans verset 14, on peut voir que même le serpent a permis que son corps soit un vaisseau pour le diable. Puis on peut voir comment, Dieu a parlé des malédictions sur ce serpent. Amen. You know, people will say, here is Old Testament, but Jesus said, woe unto you. That offenses will come. What unto that man from whom is he coming? That's New Testament. That's Christ. Aber das ist das Alte Testament hier, von dem hier gesprochen wird. Aber hier im Neuen Testament, wo wir gerade eben waren, hat Jesus ganz klar gesagt: Wehe jedem Mensch, durch den der Sohn des Menschen verratet wird. Also durch wen dieser Anstoß kommt. Et quand les gens lisent, par exemple, ils lisent verset 14, ils disent, bon, Dieu a maudit le diable ou bien le serpent, mais c'est dans l'Ancien Testament, mais ils oublient que Jésus-Christ a dit aussi malheur à l'homme qui cause la chute d'un enfant de Dieu. Verse 14. Verset 14. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon your belly shall thou go, and thou shalt thou eat all the days of your life. Praise the Lord. Hallelujah. Then that of the woman. Und dann die Frau. Après la femme a été maudite. You can see that the woman was also cursed. Ihr seht, dass die Frau auch verflucht wurde. On peut voir que la femme était aussi maudite. Praise the Lord. Hallelujah. And also that of the man. Auch der Mann. Et même l'homme aussi. Amen. Amen. Look at verse 17, that of the man. Verse 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, and not unto my voice. You reject my voice. You obey the voice of your wife, du hast of meine your Stimme sister, verweigert. Of your brother, of your friends. Und der Stimme deiner Geschwister, der Stimme deiner Freunde, der Stimme deiner Familie gehört. Was auf your job? Der Stimme deines Jobs. Et dans verset 17, Dieu dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Donc, ça montre que tu peux attendre ou bien écouter la voix de ta femme, de ton mari, de tes frères et sœurs ou bien de ton travail. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And has eaten the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. Thorns also and thorns too shall it bring forth to thee. And thou shalt eat the herbs of the field. In your sweat In the sweat of your face shall thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shall thou return. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And for that woman, look at that of the woman, verse 16. Verse 16. No one ever goes scot-free. Niemand, your body. Continue seulement libre. Comme ça. Unto the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and your desire shall be to your husband, and he shall rule over thee. Praise the Lord. Hallelujah. You allow your body to be a vessel. If you not, you not hear, it's even easy. But now, it's small. Wir lassen zu, dass unser Körper ein Gefäß ist. Und hier ist das sogar an dieser Stelle sogar einfacher, aber jetzt ist es sogar noch viel schwerer. Et c'est toi la personne qui permet d'être un vaisseau pour le diable. Puis on peut voir que dans l'Ancien Testament, c'était plus facile à être en Dieu, mais maintenant c'est plus difficile. Upon all that Jesus did for you, you match it with your foot. Obwohl Jesus so viel für dich getan hat, zertrampelst du das und verweigerst das. Et bien que Jésus-Christ a fait tout pour toi, tu t'intéresses pas pour lui, tu ne valorises pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. You know, yeah, even Adam can give excuse. You know, Eve can give excuse. But you don't have any excuse. Mm. Because you know that Jesus died for you. Mm. And he paid you whole price. Und Adam könnte sogar eine Ausrede finden, weshalb er das zugelassen hat, oder Eva. Aber hier, wir haben das Opfer von Jesus Christus. Wir haben keine Ausrede, um Gefäße des Satans zu sein. Et on peut voir que même Eve, elle pouvait avoir des excuses pour dire, bon, je ne pouvais pas rejeter la voix du diable, mais nous n'avons pas des excuses parce que nous avons maintenant Jésus-Christ qui nous a donné aussi le Saint-Esprit et puis qui a ses sacrifices pour nous. You know, evil people, we always want to blame Satan for all things. Und böshaftige Menschen wollen Satan immer für alles schuldig sprechen. Bösartige Menschen möchten immer den Satan für alles die Schuld geben. Et les gens mauvais veulent toujours donner la faute au diable. You know, sometimes Satan is surprised how people, even the so-called God children, give their body as angry bird for him. Manchmal ist der Satan sogar schockiert darüber, wie sehr Kinder Gottes, sogenannte Kinder Gottes, ihren Körper ihm darbieten als Gefäße. Et même le diable, il est surpris ou bien étonné quand il voit comment les gens acceptent son offerte d'être un vaisseau pour lui. God never blame destruction on Satan. Gott hat nie die Zerstörung an dem Satan destruction Schuld, of man. Say my people are destroyed for lack of knowing it. Dass Menschen zerstört werden, er hat nicht den Satan dafür die Schuld gegeben, sondern wegen dem Mangel an Erkenntnis, dem Mangel an Jesus Christus in den Menschen. Et on peut aussi voir dans la parole de Dieu que Dieu n'a jamais donné la faute au diable pour la destruction de l'homme, mais le problème a toujours été la manque de connaissances de connaître Dieu. Amen. Amen. With their mouth they will say they want to know me, but they don't want to know me from in their heart. Mit ihrem Mund sagen sie, dass sie Jesus kennenlernen wollen, aber in ihrem Herzen ist etwas anderes. Avec leur bouche, ils disent qu'ils veulent connaître Dieu mieux, mais dans leur cœur, on peut voir que ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. You are to be blamed for submitting your body for him. Aber wir müssen dafür schuldig gesprochen werden, weshalb wir zulassen, dass der Satan uns als Gefäß nutzen kann. Mais c'est ta propre faute quand tu deviens un vaisseau pour le diable. John 6, verse 67. Johannes 6, 67. Jean 6, verset 67. Praise the Lord. Hallelujah. John 6, 67. Johannes 6, vers 67. Jean 6, verset 67. Amen. Amen. Look at what Jesus said here. Hört euch an, was Jesus hier sagt. Then Jesus said unto the 12, will you also go? This was not talking to Satan, but to them. Er hat nicht zu dem Satan gesprochen, sondern zu seinen eigenen Leuten hat er gesprochen und sie gefragt. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Donc Jésus-Christ ne parlait pas au diable ou bien aux pharisiens, mais il parlait aux croyants. Amen. Mm. Will you allow your body to be used by me or by Satan? Werdet ihr zulassen, dass euer Körper von mir oder von Satan genutzt wird? Est-ce que vous allez permettre que vos corps soient un vaisseau ou des vaisseaux pour le diable ou bien pour moi? Amen. Mm. I hope you understand it. Mm. Will you allow your body to be used by Satan because somebody is going to use your body? Is either me or Satan? Denn niemand wird ihn nutzen. Because no one is free. Entweder Satan oder ich, denn niemand ist frei. Et il y a toujours, donc personne est libre, personne peut dire qu'il n'est pas un vaisseau pour quelqu'un, parce que soit tu es un vaisseau pour le diable ou tu es un vaisseau pour Jésus-Christ, mais c'est toi la personne qui choisit. No to Christ is automatic yes to Satan. Nein zu Jesus bedeutet automatisch ja zum Satan. Quand tu rejettes, tu refuses Jésus-Christ, ça signifie tu acceptes le diable. We don't care how much you support this ministry. C'est égal wie sehr du diese Gemeinde unterstützt. Et c'est pas important comment tu as été là pour l'église. If you allow your body to become a vessel for Satan, you will and you refuse to repent. We will cast you out. Wenn du zulässt, dass dein Körper ein Gefäß des Satans ist und du nicht Buße tust, du nicht davon umkehrst, werden wir dich entfernen müssen. Et n'importe comment tu as soutenu l'église, si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ et que tu ne te soumets pas à lui, on va te chasser de cette église. There are a lot of ministry everywhere. Es gibt viele Gemeinden überall. Il y a beaucoup d'églises. You are free to go to them. Du bist frei dahin zu gehen. Et tu es libre d'aller là-bas. But no one can change here. Aber niemand kann diesen Ort hier verändern. Selbst ich kann das nicht. Mais personne peut changer cette église, même pas moi. If I can change it, I could have changed it for long. Ich ihn ändern könnte, dann hätte ich ihn schon lange geändert. Aber ich kann es nicht, und meine Hände sind gebunden. Si je pouvais changer cette église, là, je voulais le faire même plus avant, mais mes mains sont fermées. Amen. Amen. Amen. Go to John 8. Johannes 8. Jean 8. Praise the Lord. Hallelujah. Look at what Jesus said here. Schaut euch an, was Jesus hier sagt. Voyons ce que Jésus-Christ nous dit ici. Amen. Amen. Verse 29. Johannes 8, 29. Verset 21. He said, and he that sent me is with me. The Father hath not left me. Hello. For I do always those things that please him. I always do what please him. Ich tue ständig das, was ihm gefällt. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. And nothing can change it. Und nichts kann das ändern. Et personne peut le changer. Praise the Lord. Hallelujah. We cannot be one with anyone who once chose Christ and now chose Satan. Wir können nicht eins sein mit jemandem, der sich einst für Christus entschieden hat, aber jetzt sich für den Satan entscheidet. On peut pas être un avec une personne qui a été avec Jésus-Christ, mais qui est maintenant avec le diable. I know the voice of my father. Ich kenne die Stimme meines Vaters. Et moi, je connais la voix de mon père. Amen. Amen. No Holy Spirit will ever tell you not to be one with us. Kein Heiliger Geist wird sagen, dass wir nicht eins sein sollen hier. Prüfe diesen Heiligen Geist. Le Saint-Esprit, il y a aucun Saint-Esprit va te dire de te séparer de cette église. Tu dois vraiment juger ou bien examiner cet esprit qui parle. I'm not saying you did not hear voice. Ich habe nicht gesagt, dass du keine Stimme gehört hast. Je n'ai pas dit que tu n'as pas entendu une voix. The voice you are hearing that is telling you that you should not be one with us. It's an evil spirit voice. Aber die and not Stimme, Christ. Because Christ can never go against himself. Aber die Stimme, die du hörst, die sagt, dass du nicht eins sein sollst mit den Kindern Gottes hier, ist die Stimme des Satans, das weiß ich. Mais la voix que tu as entendue, c'est la voix du diable, c'est la voix d'un esprit mauvais, parce que je sais que Jésus-Christ ne va jamais te dire quelque chose qui est actuellement contre lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus said to that man, we know who we are, we know who we serve. But you don't know who you are, you don't know who you serve. Amen. It's like the Muslim. They serve Satan. They think they serve the true God. Amen. Allah, they want, you know, they serve Satan in one way or the other. And they think that they are serving God. They don't know who they serve. That's John 4. Amen. In Johannes 4 sagt Jesus zu der Frau, eigentlich? Sagte Jesus zu der Frau, dass sie nicht wissen, wem sie dienen. Und es stimmt auch, weil auch heute ist das so, dass diese ganzen Muslime, diese ganzen anderen Religionen, sie meinen zu wissen, wem sie dienen, und denken, sie dienen Gott, aber sie dienen dem Satan. Nur wir wissen, wem wir dienen. Johannes 4:22. Et même dans Jean 4, on peut voir comment Jésus-Christ parle à la femme devant la fontaine. Et puis il dit que les Juifs ne savent pas qui ils sont en train d'adorer. Et même nous, donc les enfants de Dieu, sont conscients de Dieu. Et c'est la même chose même avec les musulmans. Eux, par exemple, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer le vrai Dieu, mais ils sont en train d'adorer le diable. Praise the Lord. Maintenant, on va lire Jean 4, verset 24. It's how you worship, you know not. What? Jean 4, verset 22. A lot of churches are like that. They don't know who they worship, that is Satan. Sie wissen nicht, wem sie dienen, das ist Satan. Verset 22, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et puis, on peut le voir aussi dans beaucoup des églises qui ne savent pas qui ils sont en train d'adorer. But we know who we worship. Wir wissen, wem wir anbeten. Amen. Mais nous, on sait qui nous... Amen. Amen. He said, you worship, you know not. What? We know what we worship. For salvation is of the Jews. Praise the Lord. Amen. Then he not talk about the Jews in the spirit. The next verse. Look at it. Dann spricht er über die Juden im Geist. Dans verset 23, il parle des Juifs en esprit. Do you see that? He said, for the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. Not worship him in flesh. Nicht im Fleisch. But in spirit and in truth. Im Geist und Wahrheit. Dans verset 3, Jésus-Christ parle des adorateurs qui adorent le Père en esprit et dans la vérité et pas dans la chair. Praise the Lord. Yeah. Verset 23. Amen. Amen. We know the voice we hear. You are the one that don't know the voice you hear. Du bist derjenige, die Stimme nicht kennt, die ihr hört. That's right. Das haben wir gerade gelesen. Et nous, on sait, on connaît la voix qui nous parle, mais toi, tu ne connais pas la voix qui te parle. We never beg anyone to be here. Never. Betteln niemanden an, hier zu bleiben. On ne demande pas une personne de rester ici. Just like Jesus never begged anyone to be his disciple. Jesus, he don't see, he said, will you also go with them? I love that so much. Genauso wie Jesus niemand angebettelt hat, sein Jünger zu sein. Er hat einfach nur gefragt, werdet ihr auch weggehen? Comme aussi Jésus-Christ, il n'a jamais supplié un disciple de rester avec lui. Amen. Mais de devenir son disciple. We are never alone, no matter how few we are. Egal wie wenige wir sind. Nous sommes jamais toutes seules, n'importe comment, combien nous sommes. You know, Elisha and his servant, they were only two. How many are we today? Amen, we are more than, amen. You know, he said, those that be with us are more than those that be with them. Amen. Und Elijah und sein Knecht, er hat, obwohl sie nur zu zweit waren, hat er gesagt, die bei uns sind viel zähliger als die vor uns stehen. Und wie viele sind wir hier in dieser Gemeinde? Wir sind mehr als zwei. Et même l'histoire avec Élisée, même l'histoire avec Élisée, on peut voir qu'il a été seulement avec son serviteur. Et puis il a dit, les gens qui sont avec nous sont plus nombreux que les gens qui sont avec vous. You have the right to take whatever decision you want to take. Wir haben das Recht, jegliche Entscheidung zu treffen, die wir treffen möchten. Mais tu as le droit de prendre n'importe quelle décision. Deuteronomy 30 says you choose. You choose. 5. Mose 30 steht, wir sollen entscheiden. Mais Genèse nous dit que toi tu dois prendre la décision. Amen. Amen. Once you take decision to leave us of your selfish motive, which we know is an evil motive. Praise the Lord. Hallelujah. No one here in this ministry we have anything to do with you any longer. Wenn irgendeiner sich entscheidet, sich sich von dieser Gemeinde zu trennen, aus selbstsüchtigen Gründen, die ganz klar teuflisch sind, dann muss er nicht meinen, dass er den Kontakt zu den Leuten hier immer noch halten kann. Das ist nicht möglich. Et si une personne dans cette église prend la décision de quitter cette église, là, on ne peut pas être un avec, on ne peut pas avoir une relation avec l'un et l'autre, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Because we know that, you know, we don't want any pollution. Weil wir keine Verunreinigung wollen von außen. Parce qu'on ne veut pas être influencé par, ou bien être, influencé par quelqu'un. We know that your body is already a vessel for them. Weil wir ganz klar schon gesehen haben, verstanden haben, dass dein Körper schon ein Gefäß that they can ist go through für den Satan und für die Welt, durch die der Satan nutzen kann, wie er lustig ist, um hier zu töten, stehen und zu zerstören. Et on sait que ton corps est un vaisseau pour le diable, pour que tu peux maintenant détruire. Voler et tuer dans cette église. Praise the Lord. Hallelujah. Because we know that leaving us is leaving Christ. Wir wissen hier, diese Gemeinde zu verlassen, uns zu verlassen, heißt Christus zu verlassen. Das wissen wir, weil wir wissen, wem wir dienen. Wir wissen, wer wir sind. Amen. Parce que quand tu quittes cette église, ça signifie que tu quittes aussi Jésus-Christ, parce que nous, nous sommes sûrs de la personne qu'on adore. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you still want, you know, if you still want to be of Christ, you will be with us. Wenn du immer noch zu Christus you're living willst, and your the motive behind it is telling us this is Satan. Wenn du immer noch zu Christus gehören willst oder würdest, dann würdest du diese Entscheidung nicht treffen. Deine Entscheidung beweist, zu wem du jetzt gehörst. Mais si tu veux vraiment appartenir à Jésus-Christ, là tu vas faire tout pour toujours être avec les enfants de Dieu, d'avoir une relation avec les enfants de Dieu. Mais la raison pour laquelle tu quittes cette église, ça nous montre que le diable est vraiment en train de travailler dans ta vie, puis que ton motif est aussi diabolique. I pity you. Und deswegen habe ich Mitleid mit dir. C'est ça pourquoi j'ai pitié avec toi. You allow demons to deceive you. Du lässt zu, dass dass Dämonen dich in die Irre führen du lässt zu, dass Dämonen dir etwas vormachen und du glaubst, dass es der Heilige Geist, der zu dir spricht. Second Corinthians 11. Et j'ai vraiment pitié avec toi parce que tu permets que les démons parlent à toi, que le démon cause la manipulation dans ta vie, puis tu penses que c'est le Saint-Esprit. Maintenant, on va lire 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Amen. Amen. Amen. Amen. Vers 13. 13. 2 Corinthiens 11, verset 13. That's it to 15. It's 13 to 15. Verses 13 to 15. It says, for such a false prophet, apostle, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Praise the Lord. Hallelujah. You can see them in churches today. They are everywhere. Amen. Mm-hmm. The same spirit that said to you, be equally yoked with the heathen. The same spirit is telling you now that you leave us. Der gleiche Geist, der dir sagt, dass du gleichgesinnt sein sollst mit Ungläubigen, sagt dir jetzt auch, dass du die Gemeinde verlassen sollst. Et le même esprit qui t'a dit sois un avec les païens, avec les incroyants, c'est aussi le même esprit qui te dit quitte cette église. The same spirit is telling you, amen. Get out of the midst of Christ's family. Der gleiche Geist sagt dir, du sollst aus der Kinder Gottes austreten. Wieso prüfst du dann diesen Geist nicht? Es le même esprit qui te dit quitte l'ensemble des enfants de Dieu, mais la question est pourquoi tu ne juges pas, tu n'examines pas cet esprit. It is a pity that we are not different from King Saul. Und es ist traurig, dass du nicht anders als König Saulus. Et c'est pitié que tu n'es pas différent au roi Saül. You travel with you travel with them from here to Egypt to preach Christ. The Christ that you could not even preach in Germany. Here. It is in Egypt you can preach it. If you preach the truth, no one will allow you to follow them. Mm-hmm. You cannot deceive us, you can only deceive yourself. Und du, you tell them that it's only Christ that is the way. Mm-hmm. They hate it. I've preached to many Muslims. They hate it. But if you want to be part of them, just say God. God, God, God. Mm-hmm. They will embrace you. Yeah. Preach the truth. You keep on preaching lies to them. How will they not invite you? All those who choose Christ will suffer persecution. Amen. Und du willst nach Ägypten gehen, um mit diesen Menschen Gemeinschaft zu haben und dort zu ihnen zu predigen. Aber du willst dort predigen, aber kannst es hier in Deutschland nicht. Weil wenn du doch hier in Deutschland zu diesen Leuten predigen würdest, würden so welche Reisen oder so welche Einladungen gar nicht mehr stattfinden. Aber wenn du wirklich den Menschen die Wahrheit sagst, dass sie dem Satan dienen, dass du die einzige Wahrheit hast, weil du Christus folgst und dass sie Buße tun müssen, dann würden sie dich niemals einladen. Ne? Aber das zeigt ja, dass du anscheinend immer nur ein verwässertes Evangelium oder ein verfälschtes Evangelium verkündet hast, wo es vielleicht um Gott ging, aber nicht um Jesus Christus. Und du hast sozusagen Lügen verbreitet und willst das als Evangelisieren abstempeln. Aber diese Resultate zeigen doch ganz klar, dass das nicht die Wahrheit ist, die gepredigt worden ist. Weil sonst hättest du keine Gemeinschaft mehr mit diesen Menschen auf diese Art und Weise, wie du sie jetzt noch pflegst. Le même esprit qui t'a envoyé de voyager avec tes amis en Égypte pour prêcher, comme toi tu as dit Jésus-Christ à tes amis, c'est le même esprit qui t'a poussé à quitter cette église. Parce qu'on peut clairement voir que tu n'as pas prêché la vérité à tes amis. Parce que si tu prêches vraiment la vérité à tous tes amis, là, ils vont même refuser à voyager avec toi en Égypte parce qu'ils savent que tout ce que tu dis... C'est Jésus-Christ. Mais le problème est que très souvent, quand tu prêches, tu n'es pas radical. Tu utilises seulement le mot Dieu ou bien le Seigneur, mais tu ne dis pas que c'est Jésus-Christ le seul chemin. Et tu n'as pas été capable à prêcher Jésus-Christ ici en Allemagne, mais tu veux le faire en Égypte, bien que le Saint-Esprit t'ait dit ne sois pas un avec les incroyants. Et puis, c'est vraiment triste de voir comment tu veux... mentir aux enfants de Dieu, mais ce n'est pas possible, à diluer la vérité, mais tu peux seulement mentir à toi-même, mais pas les enfants de Dieu, même pas le diable. Praise the Lord. Hallelujah. No wonder Jesus said, get out of them. Amen. Because they will take you away from him. It's not about us, it's about Christ. They will take you away from Christ. That you refuse. Sie werden dich von Christus Jesus wegnehmen. Es geht nicht um uns, sondern um Christus Jesus. Und dennoch hast du dich geweigert, das zu glauben. Et c'est pas une surprise que Jésus-Christ te dit ou nous dit, sépare-toi d'eux. Parce que les gens là que tu refuses à quitter, ils vont te séparer de Jésus-Christ. Il s'agit pas de l'homme, mais seulement de Jésus-Christ. Praise the Lord. 1 Samuel 15. On va lire 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 from 18 to 23. Amen. You want us to trust you when you cannot even trust yourself. Und du willst, dass wir dir vertrauen, obwohl du dir nicht selbst vertrauen kannst. Et tu veux qu'on te fasse confiance, bien que tu te fais même pas confiance toi-même. You want us to trust you when you cannot even trust yourself. Du willst, dass wir dir vertrauen, obwohl du dir nicht mal selber vertrauen kannst. Et tu veux qu'on te fasse confiance, bien que tu ne puisses même pas te faire confiance toi-même. We are not different. Wir sind nicht anders als er. Tu n'es pas différent à Saül. Amen. 1 Samuel 15 from 18. Because of time, we just read from 18 to 23. Amen. 1 Samuel 15, 18 bis 23. Verset 18 jusqu'à 23. Amen. And the Lord said, on a journey and said, go and utterly destroy the sinners and Amalekites and fight against them until they be consumed. That is the voice of the Lord. Das ist die Stimme des Herrn. Just like he tell you, don't be one with them. Genauso wie der Herr dir gesagt hat, du sollst nicht eins sein mit den Ungläubigen. Dans verset 10, tu peux voir la voix de Dieu, la just, même voix qui te dit de ne pas être un avec les incroyants. Just like he tell you, know he say, he always said to you that you own them nothing but Christ. Genauso wie er immer wieder zu dir sagt, the truth, Schuld ist and not Jesus. Und das, die Wahrheit und nicht Lügen, nicht Religion. La même voix qui te dit, tu ne dois rien sauf la vérité, sauf Jésus-Christ. And not preaching what we made them to accept you. Und nicht predigen, was dafür sorgt, dass sie dich immer noch akzeptieren. Et pas un message qui pousse les gens à t'accepter. Whoever chooses Christ will be persecuted. Wer auch immer that's what Christus the Bible says. Wird verfolgt. Und die Bibel lügt nicht. Entweder du lügst, aber nicht die Bibel. Chaque personne en Christ sera poursuivie et la Bible dit la vérité. Amen. Verse 19. Wherefore then did thou not obey the voice of the Lord, but did fly upon the spoil, and dost evil in the sight of the Lord? And Saul said unto Samuel, you know, look at this people. You know, they always want to defend themselves. Die Menschen wollen sich immer verteidigen. Et quand Dieu, approche une personne, les gens veulent toujours se défendre. Amen. Your Holy Spirit said you should disobey. Disobey Christ. Dein Heiliger Geist hat gesagt, du sollst Christus missachten. Ton Saint-Esprit t'a dit, t'a poussé à désobéir Dieu. The same thing with Saul, with King Saul. Das ist gleich, was hier König Saul passiert. La même chose qu'on peut voir dans la vie de Saül. He said in verse 20, and Saul said unto Samuel, yea, I have obeyed the voice of the Lord, and I have gone the way which the Lord sent me. Amen. And have brought Agag, the king of the Amalek, and have utterly destroyed the Amalekite. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things, which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord your God in Gilgal. The Lord did not want your sacrifice. He wants you to obey his voice. Der Herr wollte nicht deine Opfergabe. Der Herr wollte, dass du seiner Stimme gehorchst. Er sucht nicht nach deiner Predigt in Ägypten, sondern er will, dass du ihm gehorchst, die Wahrheit predigst. Jésus-Christ n'a pas besoin de tes sacrifices, mais il veut que tu obéis à sa vérité, et pas que tu prêches aux gens en Égypte, mais que tu obéis à sa parole. You know, I love... One of the children here said, when she was even in Egypt, he said, "Would I just pray that this Egypt that she went to should not be both the physical and the spiritual." Mm-hmm. And that is what it is today. Und einer der Kinder hat auch gesagt, dass er hofft, dass diese Reise, die nach Ägypten stattgefunden hat, nicht eine geistliche und eine physische Reise nach Ägypten war. Aber es ist jetzt leider der Fall gewesen. Oui. Et puis il y a une personne entre nous qui a dit que quand cette personne est voyagée en Égypte, que j'espère que ton voyage en Égypte c'est pas seulement physique, que ce n'est pas spirituel et physiquement. Et maintenant on peut voir que son voyage a été aussi spirituel. Verse 22. And Samuel said, "Had the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord." Amen. He's not doing what you're preaching if you cannot even believe it. Wenn ich dein Predigen, wenn du ihm nicht glauben kannst, dann halt den Mund lieber, wenn du ihm nicht glauben kannst. Pour Dieu, c'est pas important que tu prêches si tu n'es pas capable à lui croire. Si tu ne crois pas, là, tais-toi. You cannot believe his written word. Then you are saying you can hear his voice. Until you believe his written word and act on it, you cannot obey, you cannot hear his voice. Du sagst, dass du seiner Stimme hörst, aber du gehorchst nicht seinem Wort. Erst wenn du seinem Wort gehorchst, kannst du auch seiner Stimme seine Stimme hören. Et tu dis que tu peux écouter la voix de Dieu, mais tu n'es même pas capable à obéir à sa parole et à la voix de Dieu. Si tu ne peux pas obéir à la parole ou bien au message, là, tu ne sais pas comment entendre la voix de Dieu. You can see the job of Samuel here, the same job I have today. Et c'est ici l'offre de Samuel, auch die gleiche Aufgabe, die ich heute habe. Et maintenant on peut voir dans verset 22 le même travail que Samuel avait moi si je l'ai aujourd'hui. And Samuel said, "Had the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice." And to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry, because thou hast rejected the voice of the Lord. He hath also rejected thee from being king. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. His voice should be final. Seine Stimme sollte das letzte Wort sein. Amen. Et la voix de Dieu doit avoir la dernière parole. Amen. Amen. You want us to trust you. When your action and your reaction is exposing you. Aber exposing your heart. Your mind, what you are saying with your lips is different. Wenn dein Mund und deine Handlungen sich widersprechen. Wenn dein Mund und deine Handlungen dich exposen, dich sozusagen entblößen, was wirklich in deinem Herzen ist. Et tu veux qu'on te fasse confiance bien que tes paroles et tes actions sont différentes. Amen. You want us to trust you when your action and your reaction is being one with Satan. You know, it's only the blind that can trust you. Not those that are their eyes. You know, the light have to see. The light can see everything. And that's why for the light to trust you is a big deal. Du willst, dass wir dir vertrauen, aber obwohl du dem Satan aber gehorchst, obwohl deine Handlungen und deine Worte dem Satan gleichen, und wir können dir nicht vertrauen, wenn du nicht zum... Okay, die blind sind, kannst du in die Irre leiten, aber Leute, die nicht blind sind, kannst du nicht in die Irre leiten. Tu veux confondre les gens qui sont dans la lumière malgré tu dois savoir que tu peux seulement confondre les gens qui sont aveugles, mais les gens qui sont dans la lumière, tu peux jamais les confondre. Praise the Lord. Hallelujah. We are the light, said Jesus. Jesus sagt, wir sind das Licht. Jesus nous dit que nous sommes la vérité. We can see clean and clear. Wir können ganz klar sehen. On peut voir clairement. And you cannot deceive Jesus. Du kannst Jesus nicht nichts vormachen. Je ne peux pas prétendre devant Jésus-Christ. We will not open the door for Satan in any way. Wir werden die Tür nicht für den Satan aufmachen, auf keinerlei Weise. Et on va pas aussi ouvrir la porte au diable dans no one here will have anything to do with you. Niemand wird mehr hier was mit dir zu tun haben. Personne peut avoir quelque chose à voir avec toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is not to punish you. Und es ist nicht, um dich zu quälen. Ce n'est pas pour te punir. We don't keep malice. Wir ignorieren Menschen nicht. Nein, wir halten keinen Groll. Achso, oder halten keinen Groll gegenüber Menschen. We don't keep malice. Yeah, it's not malice. We, you know, we are just acting on God kind of love. Sondern wir handeln einfach nach der Liebe von Jesus Christus. Amen. Et on n'a pas de malice en nous, mais on agit selon l'amour de Dieu. Amen. Amen. You know, when God drove Adam and Eve out of the garden, it was as if it was punishment. It was not punishment, it was love. Als Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben hat, also wirkt es so, als ob es eine Bestrafung ist. Aber es war keine Bestrafung, es war Liebe. Et quand Dieu a chassé Adam et Eve du jardin, c'était comme si c'était une punition, mais c'était actuellement l'amour et pas la punition. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. We are not punishing anybody. Wir handeln einfach nach Christus, so wie Christus möchte, dass wir Dinge tun. Mais on agit selon la parole, la vérité de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, verset 5. 1. Korinther 5, Vers 5. No one here will be one with you, because one with you is one with Satan. Und niemand wird hier eins mit dir sein, weil eins mit dir zu sein bedeutet eins mit dem Satan zu sein. Et personne peut être un avec toi, parce que être un avec toi, ça signifie que nous sommes un avec le diable. And again, it is not to punish you. Und nochmal, es ist nicht um dich zu bestrafen, sondern aus Liebe. Et ce n'est pas pour te détruire, mais ou bien te punir, mais c'est à travers l'amour. You see this? 1 Corinthians. 1 Corinthians. 1 Corinthians. 5, verse 5. Praise the Lord. Hallelujah. He said to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh. Amen. Mm-hmm. That their spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Mm-hmm. We want you to be saved. Wir möchten, dass du errettet wirst. Und wir wollen, dass du sauvé. Amen. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You know, God kind of love sometimes it sounds so painful. Gottes Liebe hört sich manchmal so schmerzhaft an. Et l'amour de Dieu, ça semble toujours vraiment, oui, ça fait mal pour la chair. Amen. Amen. You know, God sent Adam and Eve out of the garden, full of victory. Amen. It was as if it was punishment, but it was good for them. Gott hat Adam und Eva aus dem Garten Eden kind of verscheucht und es wirkte so wie eine Bestrafung, aber es war Liebe. Et quand Dieu a chassé Adam et Eve du jardin, ça semblait comme une punition, mais c'était actuellement pour le bien d'Adam et Eve. God kind of love is what natural man cannot understand. 1 Corinthians 2:14. Gottes Liebe ist das, was der natürliche Mensch nicht verstehen kann. Mais l'amour de Dieu c'est quelque chose que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Because they are spiritually discerned. Weil es geistlich beurteilt werden muss. Parce que ça doit être examiné spirituellement. It means until you are in the spirit, you cannot understand it. Erst wenn du im Geist bist, kannst du das somebody nicht verstehen. Et jusqu'à ce que tu es en esprit, tu ne peux pas comprendre cet amour. It means until you allow it to be Christ alone, you cannot understand it. Erst wenn du zulässt, dass es Christus allein ist, kannst du es verstehen. Et seulement jusqu'à ce que tu permets que ce soit seulement Jésus-Christ dans ta vie, c'est là où tu vas le comprendre. And it means remember Christ alone. Und es bedeutet sich immer nur an Christus allein zu erinnern. Et ça signifie tu dois te rappeler à Jésus-Christ seulement en Jésus-Christ. Amen. Amen. You know you have to know how you allow your focus to be Christ alone. Du musst wissen, wie du zulässt, dass Christus dein Fokus ist. Et tu dois savoir comment tu permets que ta concentration soit seulement sur Jésus-Christ. Amen. Amen. You know for those that you know it's so painful for them to leave a sister, to leave a brother, to leave that. What Jesus left for us is so great. Und, he left everything. He left heaven. For you. Just a little thing. You know, Peter, when Jesus said to Peter, will you choose me? Will you follow them? He did not even say, tomorrow I will think about it. Let me go and investigate. Peter said immediately, where are we going? Nowhere. There's somebody that is, that is all about Christ. Und für die, die es schwerfällt, Sachen loszulassen, und das Geschwister und Familie loszulassen, als Jesus gefragt hat, ob er auch verlassen werden würde von ihnen, hat Petrus direkt geantwortet. Er hat nicht sich gesagt, ich brauche noch mal Zeit bis zum, keine Ahnung was, um noch dazu überlegen und dann antworte ich darauf. Und er hat direkt gesagt, ich habe mir keinen anderen Ort mehr, an dem ich hingehen kann. Natürlich werden wir dir folgen. Und so siehst du jemanden, der wirklich hinter Christus her ist. Ne? Dass man halt direkt weiß, dass nein, es gibt keinen anderen Weg mehr außer Jesus für mich. Et pour toi, la personne qui doit maintenant quitter ta soeur, ton frère, ta mère, ou n'importe qui, d'abord, tu dois savoir que Jésus-Christ a vraiment tout quitté pour toi. Et toi, tu as seulement une chose ou bien certaines choses que tu as laissées pour Jésus-Christ. Et puis, si tu... Et si par exemple tu veux aussi, tu as le mal à quitter tes frères et sœurs pour Jésus-Christ, tu as te rappelé au fait que. Lui l'a quitté. Parce que c'est vrai qu'on a son âge. Mais ça, je me disais. Quel est l'atout? Parce que den Himmel für dich verlassen hat. Praise the Lord. Hallelujah. Christ Jesus was radical for you. Christus Jesus war radikal für dich. Er hat alles zurückgelassen für dich. Aber wieso können wir nicht radikal für ihn sein? Et Jésus Christ, il a vraiment été radical pour toi. Et puis il a tout laissé pour toi. Pourquoi tu ne peux pas être aussi radical pour Jésus Christ? Amen. He was radical for you. Even the mother, he said, my mother is not my mother. He's got family. He's crying. City, he's got family. That you know, he was radical. Er war radikal für dich. What kind of mother? Hat er gesagt? What is some? What is that? Amen. Gott ist Leute, meine Familie, nicht meine physische Mutter. Was können wir für Christus nicht zurücklassen? Was ist das? Et même Jésus-Christ, il a aussi laissé sa mère. Il a dit que ma mère n'est pas ma mère. Ma mère sont mes mères sont les gens qui font la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est vraiment trop difficile pour toi pour laisser derrière toi? Praise the Lord. Amen.